sortir de l'aéroport comme une marchandise, import-export. Cigarettes, taxi en panique sec, chauffeur de la famille de Joe Pesci, annonçant la couleur de la mentalité. Arrivé pour boire, gentil monsieur. Deux étages de pension plus tard, à pied. Les fonctions motrices telles que je connais disparaissent, messieurs. Macadam Circus. Macadam Circus. Ça monte plus que ça descend. Et quand ça descend, ça monte. Et si j'étais un peu moins décent, y'en a que je montrais du doigt. Chaque minute, nouvelle gueule, vendeur de hash, de shit ou de cocaïne. Temps suspendu pour une nuit aveugle. Pays de fous, l'Indien est plus efficace que la cocaïne. Macadam Circus. Oh, Macadam Circus. Crash go solo. Dans la frousse, une sagrèche, super boc, méga bloc, elle mouille, elle saoule, c'est cool. Macadam Circus. Macadam Circus. Macadam. See.